bongisi komeka nasengi na bino bayaya kopesanga maboko mpo na landa mosala ya nzembo ebolimuna te ebongisi komeka nasengi na bino bayaya kopesanga maboko mpo na landa. Bandela laissez tomber. Banze la wana, laissez tomber. Et salé li wana, na bonde li yo, na fukami. Il laissez tomber, laissez tomber. Banze la wana, laissez tomber. Continue, c'est... on sait pas garder pour soi. Oh Mathias, voilà j'en souffre. Il au Pablo. bolingo.